guitare, c'est ma chapelle, c'est mon bateau pour les Indes, ma troïka de vermeil, au pied à terre, au bout du monde, tout au bout du monde. C'est mon carrosse, capitonné de satin noir, mon char de carnaval, ma Rolls Royce, mon pullman et ma tour d'ivoire, oh ma tour d'ivoire. C'est mon kiosque à musique, mon Orphéon, mon opéra. Je l'aime d'amour et c'est physique, contre mon ventre et dans mes bras. Oh, viens dans mes bras. C'est mon tombeau, c'est mon cercueil accordé. Je l'aime d'amour et c'est beau, et j'y boirai ma dernière bordée, ma dernière bordée. Thank you. On a tous comme ça quelqu'un. Quelqu'un de caché. Quelqu'un de secret. Quelqu'un qu'on aime. Et moi, elle s'appelle Valentine. Valentine. Valentine. Salaud. J'aime bien. Et Valentine, tu sais qui c'est? C'est ma grand-mère. Elle avait des cheveux comme du pain blanc. À faire rêver les petits enfants. Oh les petits enfants. Elle avait un cœur tout grand, tout grand. Un vrai jardin à sentiments. Grand-mère. Elle avait des mains pleines d'histoires. Des bleus, des rouges et puis des noirs. Elle avait aussi profond tiroir où se cachait. Bonbon bizarre. Hey! Oh, grand-mère! C'est elle qui nous consolait. Le chagrin nous emmenait, alors elle nous parlait, parlait, et nos petites larmes se séchaient. Grand-mère, c'est elle qui nous a donné cette tendresse refusée par nos parents trop occupés à jouer au jeu. De société. Hey. Oh, grand-mère. Oh, du temps passé. Quand elle dansait valse et quadrille, on aurait dit une toute petite fille. Oh, grand-mère. Elle avait des cheveux comme du pain blanc. À faire rêver les petits enfants. Elle avait un cœur tout grand, tout grand. Un vrai jardin à sentiments. Ben, ça va bien, et toi? Ah, il y a des belles filles, hein? Ah, ben, c'est pour ça qu'on fait de la musique? Ah ben, exactement. Bon, alors, on se localise à quel endroit? Normalement, je me place là, mais ça me semble assez... Là-bas? Ouais, là-bas, ouais. Ah ouais, c'est, ouais, mais mon GIE, c'est la dernière table là-bas, mais comme je me suis déplacé pour changer de pile, parce qu'à un moment donné, il faut bien... Tu veux qu'on se mette là-dedans? Bon, ouais, on va se mettre là-dedans, ouais, ouais, on va essayer de... Peut-être le dernier au fond à droite, oui. Là-bas? Bon, parfait, oui. Bon, oui, OK, on est déjà rendu. préfères? Ok, moi au fond. Alors, camarade, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Eh ben ouais. Heureux de te revoir. Ben oui, moi aussi. Hey, mais quand on s'est vu, tu préparais une tournée qui s'est vraiment bien déroulée. Ouais. Tu as fait plusieurs villes. Ah oui, oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts. Ça s'est super bien passé. À deux, c'est plaisant. Hein? Ah ben, c'est plaisant parce qu'on peut jouer partout. Ouais, puis c'est ton meilleur ami. Ah voilà, c'est mon pote. Oh, oui, c'est ça, donc tu t'emmerdes pas. Ben voilà. Et vous êtes complices. Ben, c'est-à-dire qu'on s'entend bien et puis... on a monté notre truc, si tu veux, comme deux vieux bluesman. Ah oui, ben oui. À l'ancienne, à l'ancienne. À l'ancienne, oui. Voilà. Bonjour, tu veux boire quelque chose? Toi? Moi, je prends un chardonnay. Oui. Blanc? C'est rouge, hein, chardonnay? Non, c'est blanc. Oh, moi, je vais prendre un coca. Un coca? Ouais. Mais pourquoi tu ne prends pas un rouge? Ben, c'est parce que j'ai une autre rencontre après. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. Et quand tu commences tôt le matin, oui. Si chacun... Oui, oui. Non, non, c'est, je commence, j'essaie de commencer vers 7h, un peu plus... Ah, ça ouais. Dépend de ce que j'ai. Ouais. En voilà. Général, moi, j'attends... un peu plus tard pour commencer à boire un peu. Ouais, mais là. Mais là, il est 5 heures. Puis, voilà. Il n'y a pas de tournée, il n'y a rien. Donc. Voilà. Non, non, on est rentré hier. Et c'était où? On était dans les monts du Lyonnais, à côté de entre Saint-Étienne et Lyon, par là. Là. Magnifique. On a joué dans une grange. Ah ouais. Il y avait 200 personnes dans un trou paumé. C'est des gens qui organisent des concerts chez eux. Ouais. Et le type avait une grange, une grande grange, et voilà. Et nous, on se disait, mais qui va venir là, quoi? Et tout d'un coup, bah, des gens venaient, etc. Et les gens amenaient à bouffer. Ah oui. Donc, ils commençaient par bouffer, etc., un petit peu. Après, on a fait le concert, on a terminé par les desserts, tous ensemble. Et c'était d'enfer. Mais nous, dans les années 60-70, on avait les boîtes à chansons. Les boîtes à chansons, qu'est-ce que c'était? C'était des grandes. Ouais, ouais. Et comme disait Clémence Desrochers, on sortait la vache et on rentrait l'artiste. Voilà, ben c'est ça, voilà. C'est exactement ça. Là, il y avait 150 personnes, c'était incroyable. Quoi. C'était super bien. Et de tous les âges? De tous les âges. C'était un peu les familles, et puis c'était les gens qui avaient envie de se changer la tête. Si tu veux, comme en ce moment en France, c'est un peu le bordel. Si tu veux, voilà, ils ont... Et donc, on fait pas mal... C'est une organisation qui s'appelle Chante Apart, qui organise comme ça des concerts chez les gens. Ah oui. Donc, généralement, on a un gros concert, qui, lui, c'est un théâtre, un machin. Et puis, j'essaye de grouper toujours une ou deux dates comme ça autour... Il faut que ce soit rentable également. Il faut que ce soit rentable. Et puis, en même temps, ça permet d'avoir un autre rapport, au niveau de la chanson. Ouais, ouais, ouais. Puis, on est très proche des gens. Ils avaient installé une petite estrade. Ah, ouais. Improvisé. Et puis, nous, on est arrivés. Nous, on a un petit système très autonome pour le son. Et j'avais demandé qu'ils nous installent deux spots. Et c'était d'enfer. C'est merveilleux. Voilà. Moi, j'adore ça. Non, mais c'est ça le rock'n'roll. Voilà. Et là, on repart bientôt en Bretagne. Oui. Mais tu l'avais déjà fait, la Bretagne. Oui, oui, mais tu sais, la Bretagne, c'est très, c'est grand. Très grand. Oh, c'est grand, ouais. C'est très grand. Et puis, il y a beaucoup de. Il y a énormément de vie culturelle en Bretagne. Que ce soit dans les petits cafés, dans les grandes villes. Tous les étés, dans toutes les grandes villes, ils organisent des trucs populaires sur les places, devant la plage. Et là, on fait une grosse date à Pleumeur. C'est à côté de Lorient. Oui. Et puis après, on fait des petites villes. On fait Mur de Bretagne et une autre ville qui s'appelle... Une petite ville. Mais tu en profites également pour vendre tes produits, vendre tes disques. Vendre... Oui, on vend un peu les disques. T'as une petite boutique. On a une petite valise avec des disques, des machins. Des vinyles et des vinyles et puis des CD. Voilà. Mais de janvier à. On a fait quand même pas mal de dates, mais en même temps, on était en train de finir le nouvel album. Et qui sortira quand? Voilà, qui va sortir début janvier. Mais avant, en 2025. Avant, il va y avoir des singles qui vont sortir. Ben oui. et toute une opération avec J'espère. Là. Et là, on est super content. On a fait 14 titres. Hey, c'est pas mal. Avec des reprises un peu aussi, 3 ou 4 reprises. Et, de tes chansons à toi ou des... Non, des choses. On a fait par exemple une reprise de la chanson de Joe Dassin qui s'appelle Marie-Jeanne. Oui. Tu te rappelles, qui était une très très belle chanson. Donc on l'a transformée à notre style. Plus rock. Plus rock, plus blues, si tu veux, ouais. Plus vrai blues, un peu qui gratouille. Et puis. Disque, c'est à deux, hein? C'est quoi? Toujours à deux, le disque? C'est toujours à deux, sauf que là, moi j'ai joué de la basse sur le disque, et puis on a joué de la batterie aussi. On a fait tout un truc très, très. Très rock, très blues rock, mais très. Avec un son qui cogne. Mais en même temps, c'est toi et ton copain qui fait la batterie, tout ça? Oui, moi j'ai fait la basse, une partie de la batterie, déjà il y en a fait d'autres. Lui, il a fait toutes les guitares, il a fait quelques basses. Il n'y a aucun synthé, rien, ah, c'est bien. Que du vrai jouage, oui, c'est vrai. Que des vrais qui jouent. Des bons instruments. Des humains. Des humains. Avec des vrais instruments. Voilà, avec le vrai son. Bon, maintenant, on a de la chance, si tu veux, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut faire du très bon son dans un studio, voilà. Jai, est-ce qu'il fait son propre matériel aussi? Quoi? Ton collègue, Jai, est-ce qu'il fait son propre matériel ou si c'est plutôt ton camarade de... Non, il fait ses... là, pour l'album, lui a composé beaucoup de chansons. Il a fait les musiques, moi j'ai fait les paroles. T'es qu'un petit chromosome, une masse de neurones, perdu dans la galaxie. Mais qu'est-ce que tu fous dans la vie? T'es qu'un paquet de lessives, parmi d'autres lessives, qui s'éclate le cerveau, à grands coups de parano. Mais je m'en fous, aujourd'hui, moi je m'en fous, aujourd'hui. Je me rappelle mon grand-père, l'homme de Néandertal, celui qui a gagné la guerre contre les cannibales. Il a perdu sa main en dansant la sardane sur le dos d'un requin, le fils de Peter Pan. Moi je m'en fous aujourd'hui, je m'en fous aujourd'hui. La fille qui est près du bar me regarde de travers, et y'a mon malabar qui me colle au molaire. Ça fait tilt au flipper, le mec près du comptoir me parle de sa mère qui était de Zanzibar. Je m'en fous aujourd'hui, moi je m'en fous aujourd'hui. Je m'en fous aujourd'hui, moi je m'en fous aujourd'hui. T'es qu'un petit chromosome, une masse de neurones, largué sur la planète, un jour faudra que ça pète. Et puis, on a fait une reprise instrumentale. Figure-toi, on a fait Apache. Ah oui. Tu sais, le morceau Apache. Mais très rock, complètement différent, même voire un peu hard rock. Tu l'as déjà essayé sur scène? Non, on l'a pas essayé sur scène. On n'a pas encore fait, à part deux chansons, on les a pas encore mis en place sur scène. Ça, on va commencer à la rentrée. Parce qu'on repart à la rentrée. Là, on fait une date à Paris, fin août, enfin un truc un peu spécial dans une grande école. Et puis après, on repart en tournée, on fait un peu dans l'Est et puis en Bretagne. Et après, on va faire, pour la vraie sortie de l'album, on fait une date dans un endroit qui s'appelle le New Morning. Bah oui. Voilà. Donc, on l'avait déjà fait et là, on le refait début février. Mais le New Morning, c'est quand même une salle mythique. C'est une salle mythique. En plus, il y a un son, la mort. Et on va peut-être le filmer aussi. Et là, il y aura vraiment tous les nouveaux. Ah oui, ça serait bien de filmer ça. Ouais. Voilà. On l'avait fait dans l'autre album live. À la musique. Ouais, à la musique. Et au Québec. Au Québec, en lien pour éventuellement. Le New Morning, moi j'ai vu Marianne Faithfull. Oui, Marianne Faithfull. C'est incroyable. Ah ben oui. C'est incroyable. Ouais. Mais juste l'endroit, tu rentres là et tu sens que c'est, ah ben, que c'est vibratoire. Non, comme mais elle... c'est hyper chargé comme ouais, endroit. Ouais. Tout le Prince a joué là, tous les bluesmen. Enfin, tout le monde a joué dans cet endroit qui est resté comme il était. Ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. Mais les places sont dures à avoir. Hein. On aurait voulu, nous, l'avoir un peu avant. Et puis finalement, on n'a eu que cette date-là. C'est quoi, c'est un lundi, mardi, mercredi? Non, c'est un samedi. Un samedi, ah ben c'est bien. Voilà, je voulais faire ça. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que tu trouves que avec les années, tu commences à trouver plus de facilité à écrire des chansons? Oui, j'ai jamais eu trop de problèmes pour écrire. Si tu veux, c'est l'air du temps, c'est les choses qui arrivent, les rencontres, et puis les petites phrases qui arrivent. Là, si tu veux, l'époque dans laquelle on est, là, me donne envie d'écrire, je ne l'ai pas écrite encore, une espèce de fable entre trois personnages, Madame la haine, Madame la peur et Monsieur l'espoir. Et j'espère que l'espoir va les bouffer tous les deux. Enfin, une espèce de fable assez drôle. Une métaphore. Voilà, une espèce de métaphore. Donc à partir de là, moi je commence à faire quelques mots. On blouse un peu tous les deux. Puis après, il y a une mélodie qui s'installe. Voilà, et puis on travaille. Et après, ce qui est bien dans la méthode qu'on a, c'est que on enregistre une base, si tu veux, avec les guitares acoustiques. Et que j'ai moi, et que comme Mojai, il a le même système de Pro Tools que moi. Donc hop, lui il rajoute des guitares, il me renvoie le truc, moi je lui renvoie. Et puis deux fois par semaine on se voit, il vient au studio, et puis là on finalise et on recommence sur d'autres trucs. Et en même temps on répète pour les concerts. Il faudrait que tu passes au studio là. Oui, éventuellement. Mais ce que j'aimerais faire dans les prochaines années, c'est de faire beaucoup moins de rencontres, mais de me rendre au spectacle, parce qu'on m'invite souvent et je refuse parce que ma primauté, c'est de présenter des artistes. Mais je veux aussi me déplacer, je veux aller voir. Oui, c'est bien de voir les endroits où les choses se fabriquent partout. Oui. Dans la rue, partout. Oui. Mais si tu veux. Les ateliers, les lieux de studio, c'est quand même des lieux où ça transpire un peu, où il y a, tu vois, il y a toutes nos guitares, nos machins, les claviers, les trucs. Mais toi, je vais télécharger des disques sur set digital. Okay, c'est un site, c'est une plateforme. Je préfère encourager ces petits-là que les plus gros que tu connais. Oui, c'est ça que j'aime bien chez toi. Toi, tu es une espèce de... Oui. Une sorte de gardien de la vraie chanson, celle qui est dans les rues, tu vois. Oui, mais pas et celle qui est partout. Oui, mais je préfère encourager le petit que d'encourager le gros. J'ai vu ce que tu faisais. Oui, mais sur set digital, j'ai vu que tu avais plusieurs albums, dont le tout début, à tes tout débuts, tu avais quoi, c'était en fin des années 70? Oui, c'est ça, ouais. Le premier album, il date de 66. 66, ça s'appelait J'ai faim. Il a eu un grand prix du disque à l'époque, Charles Cros. Et j'avais eu la chance de signer chez CBS à l'époque. Est-ce que tu as redigitalisé tout ça? Tu as retravaillé? Oui. On a digitalisé tout ça et tout ça est sur les trucs de... Ce que je veux dire, est-ce que tu as modifié le son ou tu as gardé l'intégralité? Alors, j'ai pas encore... Enfin, j'ai gardé tel que c'était. À l'époque, à l'origine, à l'origine, j'ai simplement nettoyé les trucs, etc., pour que ce soit propre, etc. Mais figure-toi qu'il y a des logiciels qui viennent de sortir, basés un peu sur l'intelligence artificielle, donc je vais pouvoir démixer, parce que le premier album, il a été enregistré en mono. Et on en a fait une partie à Londres à l'époque, avec un arrangeur qui s'appelait Johnny Hartet, et puis après à Paris, avec un autre arrangeur qui s'appelait Jean-Claude Ric, qui a fait plein de trucs pour plein de gens. Et c'était tout en mono. Car on enregistrait sur du 4 pistes et il fallait chanter en même temps, à l'ancienne complètement. Donc cet album, il a une belle couleur, mais j'aimerais bien le remixer un peu à ma sauce. Et grâce à un logiciel de folie, là, d'ailleurs c'est à la fois un peu dangereux quand même, mais enfin, on peut tout démixer. quasi séparer la batterie, séparer la basse, séparer les guitares, séparer la voix, séparer les cuivres s'il y en a. Et donc, je vais essayer de redonner une couleur, peut-être... Enfin, je vais pas trop changer la couleur, mais simplement remixer le truc un peu plus. Pour moi, ça sort d'un peu plus. Voilà. Mais bon, voilà, je ferai ça quand j'ai le temps. Et ce sera pour quand, en 2025? Oui, oui, ce sera pour 2025. Parce qu'avant de l'acheter, je vais prendre la version, parce que je vais toujours sur cette digitale. Si tu me dis que tu vas modifier le son pour le rendre... Non, écoute-le, parce que cet album, justement, okay, qui a été enregistré... OK, tu veux que je l'achète à l'origine, OK. L'album s'appelle J'ai faim. Oui, je connais. Et la pochette est assez... Voilà, et le truc, c'est... Il a quand même un bon son. En Angleterre, à cette époque-là. Non, mais en plus, je l'ai fait avec Johnny Arthay. Et Johnny Arthay, c'est le mec qui avait fait les arrangements d'une chanson qui s'appelait Héloïse. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, avec un putain d'arrangement de trucs. C'était un fou furieux, ce mec-là. Ça a été chanté au Québec par Donald Lautrec. Ah ouais. Ouais. Donald Lautrec, oui. Je m'en rappelle. Et c'est qui en France qui l'a pris celle-là? Ouais. Héloïse, c'est qui l'a chanté? Personne. Ah si, peut-être quelqu'un l'a chanté, mais c'était un artiste anglais à l'origine. Mais ça a été traduit au Québec. Oui, oui. Ouais. Mais c'était hyper, très très bel arrangeur, je m'en rappelle. Ce qui était vachement intéressant, c'est que dans les studios, j'ai enregistré à London Studio, ce truc-là, une grande partie de cet album, c'est que l'arrangeur mettait deux basses. Il mettait une contrebasse plus une basse électrique. Et la contrebasse donnait une espèce de largeur et la basse électrique une attaque. Et il y a des chansons, mais c'était déjà un peu rock. Hein. Et c'était avec des musiciens exceptionnels. Shabala yava vala vadav de vain, shabala yava vala vadav de vain, shabala yava vala vadav de vain. Il est des heures où la nuit vient peindre de noir les murs blancs de la triste chambre de vie, des heures où s'arrête le temps. Alors je prends mes rêves sous le bras et je m'en vais vers le pays où la nature est tout à moi, où le soleil chauffe à midi. Là-bas, il est un champ de blé où dort une fille nue. Elle m'attend les soirs d'été quand le soleil est disparu. Mon pays n'a pas de nom, les fruits sont toujours mûrs et l'on peut voir l'horizon se coucher dans la verdure. Mon pays est tellement grand qu'il diffère chaque soir. Je le découvre avec le vent qui m'emporte quand tout est noir. Là-bas, il est un champ de blé où dort une fille nue. Elle m'attend les soirs d'été quand le soleil a disparu. Shabala yava palav tam tupay, shabala yava palav tam tupay, shabala yava palav tam tupay. Si ma chanson vous ennuie parce qu'elle est trop légère, peu importe votre avis, moi je sais qu'elle est sincère. Et il m'arrive souvent quand dans mon cœur tout est noir de me murmurer ce chant pour me redonner de l'espoir. Là-bas, il est un champ de blé où dort une fille nue. Elle m'attend les soirs d'été quand le soleil est disparu. Shabala yava vala tam tupay, shabala yava vala tam tupay, shabala yava vala tam tupay. La fille nue a disparu, la fille nue a disparu, la fille nue a disparu, la fille nue. Et j'ai eu la chance, parce que j'ai signé chez CBS complètement par hasard, qui m'ont permis d'aller faire une partie de cet album là-bas. Ah oui, en Angleterre. Là c'est fini, aujourd'hui c'est, ah ouais. C'est démerde-toi. Bon, mais t'as un studio. Voilà. Alors tu peux prendre le temps que tu veux. Voilà, oui, voilà. Alors, moi, je fais ça chez moi et puis je fais pour d'autres gens aussi. Puis tu t'amuses. Ah ouais, mais tu as travaillé. Mais oui, il y a des artistes que j'ai rencontrés l'année dernière et que tu as... Ouais. Oui, oui, moi j'aime beaucoup travailler avec les gens. J'aime beaucoup partager la musique. Parce que si tu veux, chacun amène son univers et a un regard sur les choses. Et tu joues pas pareil. Tu fais pas la même chose. Et moi, j'apprends beaucoup des autres. Enfin, mm-hmm. C'est, ben oui. C'est ben ça oui. Qui... Mais c'est ça aussi, en même temps, c'est la transmission. Entre les voilà. Deux. Ouais. Est-ce que... Avec les années, tu as une facture, une signature dans tes chansons qui dit « Ah ben là, ça c'est fait. » Bah, ça, il faut demander à mes fans. Parce que moi, je fais les trucs comme ça vient. Je pense que... Bon, on est quand même assez influencé par l'air du temps, par ce qu'on écoute, par les choses, mais Moi, j'ai toujours aimé la musique live, le vrai, l'humain, quoi. Donc, je suis pas trop pour les machines, pour tous ces trucs-là. Mais en même temps, j'aime des tas de choses extrêmement différentes. Alors, de là à dire, ça, on verra quand je serai mort. Vous pourrez raconter ce que vous voulez. Tu seras plus là, donc voilà, ça, tu t'en fous. Moi, je serai plus là, toi peut-être encore. On sait pas ce que la vie nous réserve. Est-ce que tu sens, depuis le début que tu fais des albums, un fil conducteur, un style qui se... Ben, c'est sûr que c'est rock, blues, là, mais des thèmes qui reviennent constamment? Bah oui. Ou récurrents? Les thèmes, c'est essayer de développer quand même de l'espérance, et de montrer que même si c'est un peu négatif les choses, toujours avoir un regard positif sur l'avenir. Bon, après, j'aime bien... tu sais, moi, j'ai commencé la chanson, j'étais très influencé par Jacques Brel, par des gens comme ça. Tu as repris Jacques Brel aussi. Quoi? Sur ton... Oui, j'ai repris une chanson de Brel, parce que, figure-toi, quand j'étais enfant, mais ça, je te l'ai déjà raconté, voilà, j'habitais à Versailles, où il y avait les avant-premières de l'Olympia. Donc, j'ai eu la chance de voir Brel quand j'étais gamin. Et j'ai dit, je veux faire ça. En même temps, j'écoutais Elvis Presley, Ray Charles, j'écoutais quelques Canadiens aussi, comme Gilles Vigneault. Ah, des Québécois, oui. Oui, oui, des Québécois. Mais oui. Tu as même repris une chanson de Gilles Vigneault. Oui, oui, j'ai fait une... Non, mais ça, on ne l'a pas sorti encore. Mais non, on mais va tu le faire. Non, mais tu as déjà repris. Oui, mais oui. Non, mais je ne parle pas sur le 10, mais oui, tu l'as... Et même là, sur le 10, j'ai piqué une idée à Gilles Vigneault. J'ai fait une chanson qui s'appelle « Les gens d'ici ». OK, comme « Les gens de mon pays ». Voilà. Toi, c'est « Les gens d'ici ». Voilà, donc j'ai fait « Les gens d'ici » en expliquant qu'en France, la vraie richesse de la France, c'est tous ceux qui ont fait... ça va de Gainsbourg, même à Zidane, à Johnny, à Marie Curie, les grands qui ont fait la vraie culture française. La réputation de la France. Tu vois, et donc j'ai voulu faire une chanson là-dessus. Un hommage. Une sorte d'hommage, mais en même temps... pas trop lourd, mais quand même en expliquant qu'il faut arrêter de taper là-dessus, mais sans le dire vraiment, tu vois. Simplement en disant que... Faut pas oublier que ceux qui font le ménage nettoient les trucs. La pipi a sa place. Elle a sa place et que c'est elle la plus importante. Quoi. Ouais. N'oublions jamais, je sais plus la phrase, ceux qui nettoient les trottoirs. Enfin, je dis ça à vous les gens du pouvoir, n'oubliez jamais ceux qui nettoient les trottoirs. Ouais. Parce qu'ils oublient un peu souvent. Ouais, tu vois. Ouais, on les voilà. Facilement. Et donc, et tous ces gens-là sont généralement des gens qui ont donné des gens extraordinaires, tu vois, qui venaient du monde entier. Ouais. Comme vous, les Québécois, enfin, vous nous avez donné quand même des gens dans la chanson exceptionnels. Ouais. Tu vois, c'est Est-ce que la musique vient avant les paroles ou c'est les paroles qui viennent avant la musique? Ben, c'est un peu les deux. Mais là, comme mon partenaire, lui, il fait ses musiques en yaourt, tu vois, tac, tac. Donc, du coup, là, j'ai beaucoup travaillé sur cet album où les musiques, certaines musiques, enfin au moins la moitié, ont été faites avant. Voilà. Okay. Ont été faites avant, et alors là, c'est beaucoup plus difficile. Oui, ben oui. Parce qu'il faut s'adapter au truc. Bon, j'ai trichoté un peu quand même. Parfois, j'ai rajouté un pied. Mais si tu veux, c'est bien aussi parce que ça permet d'être très, très mélodique. Oui. Quand tu parles du texte, tu as tendance à être chanson française. C'est plus du moins. Voilà, là, on a voulu être assez aéré. Oui, vas-y. Un spectacle, tu dois faire des élancées instrumentales assez... Bon, en spectacle, on s'amuse. Hein. Ouais. On peut faire ce qu'on veut. On est deux, c'est comme... Une chanson de 3 minutes peut durer 6-7 minutes. Oui, voilà, les chorus, il fait ce qu'il veut. Moi, je peux rajouter des trucs. C'est ça l'intérêt d'être deux. En même temps, c'est un côté trapéziste dans les cirques, tu vois, où il y en a un qui... il faut quand même être beaucoup à l'écoute de l'autre. Ouais, c'est ben ça oui, que j'aime oui. bien avec Jai. Et puis, tu as une facilité aussi à l'improvisation. au niveau instrumental. C'est ton école. Bien sûr, bien sûr. C'est ton école. Ben, c'est ça qui fait que ça reste vivant. Ah, oui, oui, puis que vois, ça, on ne s'emmerde pas. Puis, voilà. Mais il y en a, la nouvelle génération, qui veulent que ce soit droit, sans changement. Toi, mais non. Pour le déséquilibre, t'es prenant. Puis nous, on ne sait pas. Chaque concert, c'est une histoire différente. D'abord, une histoire parce qu'on rencontre des gens différents. Et on est dans des lieux différents, ouais. Des espaces différents, des trucs. Et puis après, le public différent, surtout. Et le public est complètement différent. Et lui, c'est ça que quand tu improvises et quand tu t'amuses, il t'inspire des choses qui ne sont pas les mêmes que la veille ou que... Ouais. Ou que dans un mois, tu vois. Comme ça, c'est toujours nouveau et rafraîchissant. C'est exactement ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que sur le nouvel album, on a fait deux chansons en anglais. Ok, voilà. Lesquelles ? Alors, figure-toi, on a fait Sixteen Town, qui est une chanson des Platters, enfin de plein de gens. On a transformé un peu. Ça a été repris assez souvent. Oui, oui, ça a été repris très souvent. Et puis une chanson de Johnny Cash que je voulais faire. Oh, yeah. Qui s'appelle Walk the Line. Oui, ben oui. Voilà. Mais on l'a. Ça, c'est son classique. Ça, voilà. C'est mais on les a changés complètement. Hey, j'ai l'air de... oui. On les a transformés un peu. Voilà. Et bon, je me suis fait aider quand même par un Américain pour que ce soit bien prononcé, etc. Mais bon. Et puis, j'ai pris ma petite fille. Ouais. Qui est étudiante, qui a 18 ans, qui chante super bien et qui a fait tous les backings avec moi. Les chorales, les voix. Les... Voilà, des backings. Ouais. Elle a fait des backings aussi. On appelle ça les chœurs chez nous. Voilà, oui, les chœurs. Ah, mais c'est bien parce que... En fait... Voilà, mais ça reste en famille. Oh, oui, non, mais ça donne un son aussi. Voilà mon testament. Je lègue les deux premières cordes de ma guitare, celles qui sont les plus barbares. À cet idiot de beau nana pour attacher ses idées noires, pour attacher ses idées noires. Hey, rap-diddle, rap-diddle, riddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle. Sur une guitare il y a six cordes, alors je lègue les deux suivantes cordes de ma guitare, celles qui sont les plus bizarres. À tous les faux culs et connards, pour qu'ils s'y pendent un triste soir, pour qu'ils s'y pendent un triste soir. Hey! Les deux dernières cordes de ma guitare, aussi fragiles que l'espoir. Fille du hasard, pour y nouer ses cheveux noirs, pour y nouer ses cheveux noirs. Hey, rap diddle, rap diddle, riddle diddle, diddle diddle, diddle diddle, diddle diddle, diddle diddle, rap diddle, rap diddle, riddle diddle, diddle diddle, diddle diddle, diddle. Bien. bien sûr que ça donne un son et ça donne une couleur qui n'est pas la même. Oui, oui, oui. Voilà. Et ça rafraîchit un peu la... Voilà. Et Walk the Line, si tu veux, comme là, il a écrit la chanson pour ce... En hommage à sa nana, pour, ouais, ouais. Bon, parce qu'il était tombé un peu dans la dope, etc. Un peu beaucoup. Ouais. Un peu beaucoup. Et la, donc, la culture, voilà, ouais. Du coup, Chloé, elle dit Because you're mine, I walk the line. Et elle, elle dit Because you're mine, I walk the line. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Donc ça change le truc. Bon, j'avais essayé de faire des paroles en français là-dessus. Et puis finalement, c'est dur, hein? C'était pas trop dur, mais finalement, la chanson, figure-toi qu'elle a été écrite, quand tu regardes les ayants droit, ils sont au moins une dizaine là-dessus. J'ai jamais compris pourquoi ils étaient une dizaine. Peut-être que chacun a écrit un truc. Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc du coup... c'est pas Johnny Cash. Non, non, c'est pas Johnny Cash. Johnny Cash, c'est une partie de la musique. D'abord, elle est très spéciale, cette musique, parce qu'elle change de ton à tous les couplets. C'est incroyable ce truc. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de la faire en anglais. Alors, j'ai commencé après avec la voix de Johnny Cash pour bien écouter le phrasé, etc. Bien que ça n'a rien à voir. Et puis finalement, voilà, j'ai décidé de la laisser en anglais. Ah oui. Mais je me suis fait plaisir dans cet album, on s'est fait plaisir en remettant justement quelques reprises, quelques même de Apache, tu vois, de trucs comme ça, qui étaient un peu les fondamentaux pour nous. Si on a fait de la musique, c'est grâce à ces gens-là, quoi. Donc je voulais rendre une espèce d'hommage. Après, les gens diront ce qu'ils veulent, je m'en fous. Voilà. Si ça te plaît, ça risque de plaire à la majorité. Quand tu fais un disque, le problème, est-ce que c'est de trouver la place de chaque chanson sur l'album? Ça, c'est un peu le problème. Ouais. C'est un peu le problème. Là, on n'a pas encore fait l'ordre, mais on va essayer. Alors moi, je me base toujours sur ne pas que les gens aillent jusqu'au bout. Donc, jusqu'au bout de l'écoute de l'album. Moi, je comprends. Donc, il faut... Pour y revenir plus souvent. Voilà, il faut leur raconter une histoire à travers l'ordre des chansons. Et puis, mettre des choses avec up-tempo, et puis down-tempo. Tu vois, faire une espèce de mix intelligent jusqu'à la fin. Et c'est là aussi la complexité. Mais c'est en même temps, oui, non, non, et puis à un moment donné, bon, comme on est deux à assumer le truc, on écoute, j'écoute son avis, il écoute le mien, on tombe toujours d'accord, on a décidé qu'on tomberait toujours d'accord. À deux, c'est possible. Dès qu'on est 5 ou 6, c'est épouvantable. C'est pour ça que le label, il nous fait confiance, il nous fout la paix. Peut-être parce qu'on est des vieux cons. Oh. Voilà. Non, mais enfin, si tu veux, je comprends. C'est de l'humour. Oh, mais, je sais. Les sales petits chiens qui puent écrasés sur le bord du trottoir mouillé de la rue des Martyrs. Des gonocoques en baisant maman que j'aime, en sacleps. Oh, impossible, j'avais avalé l'antidote de type 14 réservé à l'usage intime des fils prodigues de l'entre-deux-guerres. Moralité. En hiver, la pisse chaude sur le bitume froid provoque toujours une réaction comparable au geyser de Pompéi avec la mosaïque en moins. lorsque tu fais un album, tu sais déjà qu'est-ce que tu veux dire ou si c'est au fur et à mesure que tu glanes les chansons ici et là? Et, as-tu déjà beaucoup de chansons quand tu prépares un album? Oui, j'en ai pas mal. On en écrit tout le temps. J'en écris tout le temps, j'en ai plein en réserve. Et après, on puise là-dedans. C'est comme des bonbons dans un sac. Voilà, ouais, et en même temps, faire aussi des choses qui soient, je pense toujours au spectacle, c'est-à-dire à la scène. À la scène, c'est-à-dire, c'est pas. Si tu veux, j'essaie de construire des trucs. Tiens, il manque un truc drôle, par exemple, il manque quelque chose. Donc à ce moment-là, je la fais et puis on essaye de voir. Après, on. Mais là, sur cet album, on a voulu faire quelque chose de très, très rock, très blues, très. Très rentre-dedans. Très chargé, très rentre-dedans et avec des textes assez. Qui rentre-dedans aussi. C'est parce que, bon, voilà. C'était rendu là, voilà. Il fallait faire publier ça comme ça. Après, on verra, la suite, ce sera autre chose. Oh, oui. Voilà. Mais pour ce qui est des tournées, quand tu prépares un tour de chant, c'est un tour de chant en tout cas, les choix. Quelle chanson que tu veux toutes les présenter, tu veux toutes les chanter, mais tu peux te voir quand même, c'est pas un spectacle de trois jours. Voilà, oui. Non, déjà, on joue deux heures, ouais. Donc c'est long. Sans entracte. Quoi, sans entracte ou avec entracte, ça dépend. Des fois, on joue dans des bistrots, du machin, le mec il veut faire un entracte pour que les gens picolent. Voilà. Enfin bon, non, mais en général, moi je préfère sans entracte. Voilà. Et puis on essaye de les emmener. Si tu veux, c'est un spectacle, c'est comme un voyage. Donc, tu les prends par la main et puis il faut les garder. Il faut les garder, il faut les surprendre. Les entretenir. Voilà, il faut les surprendre. À certains moments. Tiens, on leur fait un truc comme ça, puis plouf. On sait qu'après, on va leur faire un truc comme ça, on va les baiser pour qu'ils rigolent. Tu vois, donc c'est toute une aventure jusqu'à la fin. Est-ce que tes chansons, tes nouvelles chansons, tu les essayes sur scène avant des passages? Oui, on les essaye sur scène, mais ça dépend. Là, on les a pas trop, on en a essayé certaines. Et puis, comme après, on a modifié les arrangements, les trucs, on n'a pas tout essayé. Mais le spectacle qu'on a là maintenant, qu'on fait maintenant, avec les nouvelles chansons, si on met les nouvelles chansons, ça va durer 3 heures. Donc, il va falloir en enlever. Est-ce qu'il y a des chansons que tu tiens absolument à placer à chaque spectacle? Ah oui, il y en a. Oui, il y en a. Et il y en a d'autres qui ont peut-être mal vieilli et... Non, il y en a d'autres que c'est selon l'humeur. C'est l'avantage d'être deux, si tu veux. On a une setlist et on peut picore dedans, ouais. par rapport à ce qui se passe, par rapport au spectacle. Si tu veux, si on fait un spectacle dans un festival, un gros festival où il faut jouer qu'une heure, là on va concentrer l'histoire sur ce qu'on imagine être peut-être les meilleurs par rapport à cet endroit. Tu vois, quand on fait les francopholies, bon, on peut jouer qu'une heure. Donc là, un spectacle de 2 heures, il faut enlever la moitié, c'est clair. L'avait des cheveux comme du pain blanc, à faire rêver les petits enfants. Oh, les petits enfants. L'avait un cœur tout grand, un vrai jardin à sentiments. Grand-mère. L'avait des mains pleines d'histoires, des bleus, des rouges, et puis des noirs. L'avait aussi profond tiroir où se cachaient bonbons bizarres. Oh, grand-mère, c'est elle qui nous consolait quand le chagrin nous emmenait à parlait, parlait, et nos petites larmes se séchaient. Chromette, c'est elle qui nous a donné cette tendresse refusée par nos parents trop occupés à jouer au jeu de société. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.